Fill with the blue sun, my spiral. the sea has led us, but the sun remains. Don't think the country's frail along thin tracks. Most of us, bumping sky and land. Thank you. dans tes blancs, l'Orient et tes noirs, aussi quelques bras sortis des ossuaires, laisser un cataphale aux colonnes du soir, sur les moments déployés. Oh, Oh, whoa.